sa tendresse et ses colères, elle ose dire qu'elle en est fière. Elle a gardé une carte postale de son village de Portugal. Elle a des sourires qui font mal. Les panthères. Bien sûr, elle a changé de vie quand elle est arrivée ici. Elle n'avait pas un seul ami. Les panthères. Elle s'est habituée à Paris. Elle aime les gens de ce pays. Et de fado en mélodie. Elle chante avec du soleil dans la voix. Elle chante des amours qui n'existent pas. Elle chante pour les pauvres gens, pour les voix. Elle chante tout ce qu'elle dit. Elle n'a jamais connu l'hiver. Elle sait le prix de la misère. Elle n'a rien oublié de ceux qui chantent avec les larmes aux yeux. Alors elle est restée pour eux la lumière. Elle chante avec du soleil dans la voix. Desde manhã, hoje então temos cá uma entrevista. Estávamos a ouvir então a voz L'Étranger, um duo com Linda de Souza e João Lança. E hoje de manhã então a nossa entrevista, um especial João Lança, que então vai nos falar dos seus últimos trabalhos. João, olá, muito bom dia. Olá, bom dia. Bonjour à tous, bon dia a todos os ouvintes da Rádio Arc-en-Ciel e bonjour à tous aussi, à tous les auditeurs de Rádio Arc-en-Ciel. Merci d'être là et merci pour l'invitation. Merci, João, merci. Muito obrigada de ter respondido então presente a esta nossa entrevista hoje de manhã. E vamos então falar desses novos trabalhos. Tout de suite, et ben oui, on a commencé par L'Étranger, un duo avec maman. C'était magnifique, et puis cette toile, parle-nous-en un petit peu. Ben écoute, c'est vraiment adorable. En fin de compte, si tu veux, l'idée de faire ce best-of avec en plus deux inédits, enfin un inédit et une version, disons, un petit peu plus originale de L'Étrangère, est venu en fin de compte. Ce n'est pas moi qui ai voulu faire tout ça. C'est ma mère qui m'a demandé. Tu sais, le 20 septembre, je suis allé la voir à Gisors, où elle était à l'hôpital à cette période-là. D'ailleurs, on avait déjà parlé à un moment donné donc du pourquoi de son internement. Et si tu veux, donc c'était le 20 septembre. Et le 20 septembre 2022, eh bien, grâce à justement à des amis très proches d'elle, qui d'un coup, eh bien, ils ont joué un peu les médiateurs, si tu veux, et donc avec une un profond amour et d'amitié. Donc voilà, je voudrais surtout citer donc Frédéric, je voudrais citer Bruno, je voudrais citer Olivier et Eddie. Voilà, c'était vraiment quatre personnes. D'ailleurs, elle les appelait les quatre mousquetaires, tu vois. Donc, quatre bons mousquetaires, finalement. Tout à fait. Et puis aussi, sans oublier, bien sûr, Fabien Lecoeuvre, qui était son manager, tu vois. Voilà, c'était, disons, les cinq personnes qui étaient très, très proches d'elle. Et donc, voilà, ils ont aidé à ce qui est cette rencontre depuis plusieurs années, parce que voilà, c'était effectivement une tragédie que l'on vivait. Et si tu veux, ce jour-là, eh bien, ma mère m'a dit une phrase, et tout ça devant les noms que je t'ai dit, tu vois, donc c'est pas moi qui invente. Donc elle m'a dit surtout, n'éteins pas le feu. Donc, n'éteins pas le feu. Voilà, tu vois, c'était une phrase qui était restée comme ça. Et puis, en plus, il y a Fabien Lecoeuvre qui a pris aussi, ce jour-là, une photo de nos mains enlacées, tu vois. Sacrée demande, hein. Sacrée demande et un poids aussi pour moi, tu vois. Et ensuite, tu sais, quand je suis revenu à Lisbonne, donc d'un coup cette phrase était dans ma tête, tu vois, comme ça, dans un petit coin. Et effectivement, eh bien, je dirais pas le jour de son décès, c'est pas vrai. C'est plutôt dans le courant janvier, tu sais. D'un coup, tu sais, quand tu revis tout ça, tu te dis mais quel gâchis entre nous deux, mais en même temps, ce jour-là, le 20 septembre, ça a été aussi le jour des pardons, en fin de compte. Donc, ça a été un jour essentiel, et pour elle, et pour moi. Et puis après, bah, c'est notre histoire à nous. Je comprends qu'il y ait des gens qui ont certaines réactions, il n'y en a pas beaucoup. Mais, moi, je dis tout le temps qu'à chacun son histoire, à chacun ses amours, à chacun son destin, et exactement. Vous avez le vôtre qui est différent, mais à votre manière. Ça aurait pas pu être autrement. C'est votre histoire. Tu as raison. Mais en même temps, comment le dire sans que ça blesse personne et qu'on me comprenne, quelque part, ça a été heureux. Tu comprends le fait que l'on puisse se retrouver, s'embrasser, s'enlacer, et d'un coup de retrouver ma maman et elle qui retrouvait son fils. Je veux dire, moi là, j'étais un petit enfant, tu comprends, qui était dans les bras de sa maman. Et ça, c'est magique. Il n'y a que nous deux qui pouvons le comprendre et rien d'autre. Et donc voilà, j'avais quelque part eh bien cet héritage. Et ensuite, s'est posé la question en moi, est-ce que j'ai une certaine légitimité ou pas? Et après, je me suis dit, mais mince, évidemment que j'ai cette légitimité. D'ailleurs, c'est elle-même qui m'a passé le flambeau. Et puis après, voilà, j'ai cette légitimité-là. Donc, je l'assume. Et sachant qu'en plus de ça, encore une fois, ça venait d'elle. Donc, encore plus heureux de pouvoir le faire. Mais quelle légitimité? Parce qu'elles sont dans le trait du visage, dans la voix. Donc, quoi de plus? Merci, c'est gentil. Et puis après, sachant aussi une chose, moi, si tu veux, depuis l'âge de 16 ans que je lui ai composé son premier titre, après, c'est moi qui devais chanter la musique du générique de la série télévisée La Valise en Carton. Donc d'ailleurs, j'ai un enregistrement avec cette voix. D'ailleurs, c'est le seul pays qui l'a passé à l'époque, ça a été la Suisse. Où ils avaient passé le générique avec ma voix. Ensuite, eh bien, les choses se sont faites autrement. Il fallait qu'elle se relance, etc. Donc, c'est elle qui a chanté après la chanson. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai aussi moi quelque part cette légitimité-là, dans le sens où j'ai commencé ma carrière vraiment quand j'avais 16, 18 ans, tu vois, où on a fait après un duo, dis-moi pourquoi, etc. Donc quelque part, je n'ai jamais arrêté, même si c'était un petit peu en dents de scie. Donc voilà, donc moi j'avance et puis voilà. Et si tu veux, donc à partir du mois de février 2023, hein, j'ai contacté donc la Warner Music France, où je leur ai proposé justement de sortir un best-of. Et eux, ils m'ont dit, ouais, mais tu sais, refaire un best-of, bon, c'est des titres après des titres. Et là, je leur ai dit, oui, mais là, j'ai deux idées qui peuvent être très originales. Et donc, je leur ai proposé l'idée de faire le duo virtuel sur le titre emblématique de sa carrière, L'étrangère. Et en plus de ça, sachant que c'est un titre qui est toujours d'actualité aujourd'hui, ou même à l'époque quand elle l'a chanté, ce n'était pas simplement pour notre communauté, ce n'était pas simplement pour la communauté portugaise, c'est l'étrangère, c'est pour tout le monde, ça touche tout le monde. Donc, il y a encore plus aujourd'hui, j'ai l'impression, tu vois. Et donc, je leur ai proposé de faire ce duo virtuel. Et on l'a travaillé avec Ricardo Verdelho, qui est un excellent producteur musical au Portugal, et puis surtout qu'on a eu une affinité très grande entre nous. Et écoutez, on a travaillé ce titre vraiment de cette façon-là, et ce petit remix, sachant que elle aussi, elle avait à cœur de mener de nouvelles choses et de moderniser même son répertoire, tu vois. Beaucoup de gens pensent que, non, attention, on dénature ceci, on dénature cela. Les gens n'ont rien compris. Ils ne savent pas de musique. Donc à ce moment-là, vaut mieux qu'ils se taisent, tu vois. Mais à un moment donné, je veux dire, c'était dans l'évolution logique qu'elle, elle voulait mener. Donc j'assume entièrement. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est moi qu'il faut venir voir, tu vois. Donc j'assume complètement. Après il faut aussi faire évoluer à ta manière. C'est ton œuvre aussi. Et tu sais une chose, je vais te dire, 99,9% des gens des fans, des gens qui me suivent, et je voudrais les embrasser, mais tellement fort, c'est des gens magnifiques, ils ont tout compris, tu vois, et d'un coup je me dis, waouh, c'est eux qui me donnent cette force aussi, qui me donnent cette force, tu vois, pour d'un coup continuer et faire encore d'autres idées et avancer, et ça c'est génial, je tiens à les remercier encore une fois, je crois que j'arriverai jamais à les remercier autant d'ailleurs. et donc si tu veux, quand j'ai proposé cette idée à la Warner, ils ont dit, waouh, génial, écoute, on avance, on va commencer à travailler ensemble sur l'album. Et d'ailleurs, ils m'ont toujours dit, on validera toujours tout ensemble. On n'avance pas si toi, tu ne valides pas quelque chose. Et d'ailleurs, je leur ai donné aussi une autre idée. C'est que, chose que ça ne se fait jamais, en fait, compte dans les best-of, c'est que je voulais rendre un hommage, en fin de compte, aussi à ma mère, tu vois, par rapport à cette image, tu te souviens, au tout début de la conversation, je te parlais de « Prends-moi la main », qui est « Dans mes mains », où on avait nos mains enlacées. Tout à fait. Et donc, j'ai fait justement un titre. D'abord, la version originale, c'est « Dans mes mains ». Et j'en ai parlé donc à Ricardo Verdelho, et d'un coup, en utilisant mes mots, en utilisant cette phrase, il m'a écrit un texte magnifique. Et ensuite, j'ai demandé à Thierry Stremler, dans les années 2010, il a fait plusieurs albums pour ma chère et tendre Françoise Hardy, et je pense à elle très très fort aujourd'hui. Et Thierry Stremler, un talent énorme d'écriture et de composition aussi, mais là, il m'a fait la version en française de ce titre, et qui est simplement magnifique. Et donc, la Warner a aussi accepté. Et en même temps, pour moi, attention, c'est aussi une autre histoire, je dis aussi ce que j'ai à dire, ce n'est pas des fois tendre vraiment, tu vois, je dis aussi mes vérités, mais avec tu vois, je dis tendre, mais en même temps avec une tendresse énorme, il y a l'amour infini, évidemment. Donc voilà, on va dire que c'est le fils à sa maman, il sait parler comme maman, hein. je pense, en tout cas j'ai parlé avec mon âme et mon cœur, tu vois, et donc le best-of est sorti le 26 avril, et franchement ça fonctionne extrêmement bien. Les gens adhèrent. La Warner a même été surpris un peu de l'engouement que ça a suscité. On a d'autres projets pour 2025. Et là, j'en dis pas plus parce qu'on est vraiment au balbutiement. Mais tu peux être sûr, et comme je l'ai toujours fait, on a sympathisé depuis mon dernier album qui était La couleur de mon âme. Je peux t'assurer que vous serez les premiers à avoir cette info, en tout cas. En tout cas, merci. Personnellement, il fallait le faire et je suis sûre que là d'où elle est fière de son fiston, de pouvoir continuer vivre, de pouvoir continuer de la voix à ce qui avait été promu par le passé. Et j'avoue sincèrement, enfin moi de mon côté, je t'applaudis énormément et c'est important de continuer dans ce sens-là. Ces deux voix se marient très bien et ce serait dommage de ne pas l'avoir fait. Sincèrement. Oh après, ben, c'est adorable. Après, une carrière en solo avec de belles mélodies qu'on va passer tout de suite après et effectivement donner à connaître à nos auditeurs, parce que c'est important aussi qu'on sache qui est Joan Lins, pourquoi il est parti aussi en carrière solo qui était très importante, qui est la sienne, qui est la tienne, et c'est très important aujourd'hui de pouvoir en parler, n'est-ce pas? Ah oui, bien sûr, parce que tu sais, j'ai quelque part, je n'ai jamais arrêté de faire de la musique. Il est vrai que j'en ai toujours fait. J'ai fait plusieurs albums. Alors effectivement, ça n'a pas rencontré, sûrement encore son public. Tu vois, alors évidemment que ça s'agrandit et les gens me découvrent. Alors c'est toujours un petit peu. Tu sais, j'ai toujours voulu. Je ne me suis jamais senti dans l'ombre de ma mère. C'est pour ça que je me suis, tu vois, le Jeannot, il a grandi, il est devenu, c'est mon nom, en fin de compte, c'est Joan Lins, parce que ma mère s'appelait aussi Joaquine Tuolind de Sousa Lins. Et Lins, c'est donc le nom de mon grand-père maternel, donc son papa. Et pour moi, c'était vraiment très, très, très important de Jeannot, il a grandi. Donc, ça fait déjà pas mal de temps. C'était, j'avais 25 ans, 26 ans quand j'avais fait mon premier album ici au Portugal. Et c'est de là où je voulais faire vraiment cette transition et faire donc Joan Lins. Et pour moi, c'est retrouver aussi mes racines. Mais en même temps, tu sais, être le fils d'eux, ça m'a beaucoup plus fermé des portes que ouvert, tu vois. Et donc voilà, mais moi j'ai toujours suivi mon petit chemin et puis voilà quoi. Et si un jour il y a du succès, il y en aura. S'il y en a pas, il y en aura pas, c'est pas grave, mais l'essentiel c'est que je fasse moi de la musique, ce qui est vraiment dans mes veines en fin de compte. Tout à fait, il ne faut jamais arrêter. C'est déjà pour toi que tu le fais, mais je pense pas que ça restera que pour toi, ça va pas rester dans le fond d'un tiroir. Et beaucoup de gens vont adhérer parce que c'est magnifique et c'est ce qu'on va écouter tout de suite après. En tout cas, merci beaucoup Joan, merci de nous donner des nouvelles, que c'est très important de revivre ces belles choses parce qu'effectivement, Linda, c'est la maman de tout le monde. Hein. Voilà. C'est ça. Mais c'est ça qui est vraiment touchant. Et tu sais, moi j'ai eu beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup de fans qui m'ont suivi, qui nous ont suivi surtout, dans les années début 80, 80 et quelques, qui m'ont connu vraiment tout petit. Donc ça fait que d'un coup on a grandi ensemble. Je pense à des gens comme Marie-Jo, tu vois, qui encore aujourd'hui, elle connaît mon histoire. Elle me connaît, tu vois. Et quand je dis elle, il y en a encore beaucoup d'autres. Et après, je dirai pas plus de noms pour pas en oublier. C'est ça le pire. Donc oui, c'est ça, parce qu'il y en a tellement. Et j'embrasse justement tout le monde, très très fort. Et effectivement, c'est cette durée. Et d'ailleurs, je vais rentrer en studio là. Très prochainement pour faire justement préparer aussi encore de nouveaux titres, un nouvel album qui normalement devrait voir le jour avant peut-être la fin d'année. Donc et avec encore un petit peu de promo aussi en France. Donc voilà, les choses avancent petit à petit. C'est super. Un petit clin d'œil aussi à quelqu'un qui a donné une image à une toile qui est magnifique, n'est-ce pas? La toile qui est sur le best-of, c'est celle-ci, la toile qui est peinte. Ah oui, c'est magnifique. C'est François Coulon qui a fait cette pochette magnifique. Et d'ailleurs, c'était déjà, quoi qu'il arrive, une idée que j'avais. Je voulais que ce soit un dessin. Donc, franchement, ça a été plus que réussi. En tout cas, pour ma part. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup pour ces paroles. Merci beaucoup pour cet échange de ce matin qui est fort sympathique. Et donc, ça réagit un petit peu. J'ai quelques messages pour toi de la part des auditeurs qui répondent en message et qui te disent bravo et qu'il faut continuer, jamais arrêter. Et reste sur tes idées. Et ce qui a été, c'est ton histoire, il faut la vivre à 100%. Et les autres, bon, je dis pas le mot en vrai, hein, mais les autres, on s'en fiche. Voilà, vis pour toi et continue et ne laisse jamais éteindre cette lumière. C'est ce qui est écrit dans ce message. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est adorable. Et merci à tous les auditeurs, encore une fois, de Radio Arc-en-Ciel. Et surtout à toi, Christine. Merci à toi. Et de suite, on va écouter Prends-moi la main. Donc c'était une magnifique musique et on continuera dans l'après-midi en écouter plusieurs. Merci à toi. Merci beaucoup. Allez, à très vite. Merci. Un abrazo, amigo. Y un abrazo. Au revoir. Au revoir, merci. Il reste donc avec Prends-moi la main de Juan Linsage. Merci. La vie a-t-elle fait de moi une illusion? Je me pose quand je pense à toi trop de questions. L'amour était pourtant là, ou rien de superficiel. Entre toi et moi, un lien unique, essentiel. Je ne pourrai jamais me faire une raison. Sens-tu le battement de mon cœur, une émotion? Que faire quand le doute s'installe, quand je regarde les étoiles? Fais-moi un signe, envoie du vent dans mes voiles. Prends-moi la main. Ne suis-je qu'un mirage ou une vérité? Tout ce temps j'étais enfant, puis un enfant devenu grand. Tu n'as pas su toujours trouver les mots d'une maman. Prends ma main, prends ma main. Donne-moi la force de croire au lendemain. Prends ma main, prends ma main. Donne-moi la force de voler vers demain. Thank you. Sinceramente, fantástico. Je suis vers où je vais. Que doit passer sous les ponts de nos excès. Maintenant, je suis en paix. Lindíssima, sim, senhora. Parabéns, João, por esta lindíssima música.